n'aime rien tant que la félue qui les a tout le mieux de sa résistance. Son départ fragile et pur comme un cristal transparent. Je sais qu'il ne va pas frapper.